Tu pourrais se réinstaller pour se restaurer. bébé qu'on voit. Invitez-moi où il y a de l'eau. Invitez-moi même dans le froid. Invitez-moi comme je ne vois. Je ne vois pas être ce que vous faites de moi. Quand j'en ai besoin, est-ce que l'on m'étonnera quand je ne pourrais plus. Je ne pourrais plus rien. Est-ce que l'on veut si bien pour que je tomberai le poing. Est-ce que l'on le je me régénérerai enfin. Je suis